écoutez Fadjet au 94.2 FM à Nancy. Vous êtes sur Fadjet.net ou peut-être sur les applications pour smartphone, radio. Fadjet officiel, il y a plusieurs crémières pour un seul contenu. Et ce contenu, mes amis, aujourd'hui, pour vous, il a créé le buzz en 2006 avec le clip Marly Gaumont. S'en suivit trois albums, Psycho Star World en 2007, Extraterrien en 2009 et Troisième Acte en 2020. Il est le porte-parole des petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. C'est ouais. Pas moi qui le dis, c'est lui, le rappeur de la Quimbrousse, mon copain. Ça faisait un peu québécois, il va falloir travailler les accents. Je suis avec Camini, bonjour Camini. Salut Nancy, salut la radio, salut tout le monde, salut la France, salut l'Est de la France. L'Est de la France, on est près de l'Allemagne, mais je te promets qu'on va rester très franco-français ensemble. on déblaye déjà les gros clichés, comment vas-tu? Bah, ça va très très bien, et toi? Eh bien écoute, moi ça va très très bien. Alors trois albums dont un hiatus quand même de 11 ans, 11 ans entre Extraterriens et Troisième Acte, c'était long. Que bah, c'était passé long, mais j'avais pas trop le choix parce que j'avais beaucoup de projets en cours. Et surtout, quand j'ai sorti mon deuxième album, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que mon père est décédé une semaine avant la sortie de l'album. Donc ça m'a un peu chamboulé et en plus ça se passait mal avec la maison de disques. D'accord. Donc je me suis dit, vu que ça se passe mal avec Sony à l'époque, avec la maison de disques, c'était quoi, RCA le label, je me suis dit bah, je vais me concentrer sur mon film Bienvenue à Marly Gaumont et rendre hommage à mon papa à travers ce projet. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que normalement pour faire un film, les gens mettent 3 à 4 ans, mais moi je fais partie de ces gens qui doivent toujours prouver, toujours faire deux fois plus que les autres. Et donc, pour monter le film Bienvenue à Marly Gaumont, il m'a fallu 6 ou 7 ans, carrément. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai dû interrompre mon parcours musical. Et en parallèle, je faisais aussi du one-man show, du stand-up, de la télé. J'ai animé des émissions de télé sur France 4, sur France 3. Notamment, j'étais chroniqueur dans Midi en France. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai une émission de télé sur France 3, Hauts-de-France et France 3 qui s'appelle Les Gens des Hauts. Donc voilà ce qui m'a fait pendant le break musical. Il y a eu du cinéma en tant que scénariste et de la télé en tant qu'animateur et aussi beaucoup de stand-up où j'ai fait mes preuves sur scène. Bienvenue à Marly Gaumont, un film qui a été réalisé par Julien Rambaldi, donc c'est un scénario qui raconte l'histoire de l'arrivée de tes parents dans la ville de Marly Gaumont. Une seule famille de Noirs, comme tu le dis si bien dans ta chanson. Je crois que c'est Je suis blanc. Donc, c'est ça. Avec un clip, voilà. Une seule. J'ai fait mes devoirs, mon cher Camille. Mais non. Une seule famille de Noirs, c'est dans la chanson de Marly Gaumont. Ah non, c'est dans et Marly après... Gaumont. Et ben voilà. Eh ben, j'ai mal fait mes devoirs. Excusez-moi, chers auditeurs, vous pourrez me flageller sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, j'ai écouté ton album Troisième Acte, puisque sinon, ça ne servira à rien totalement d'interviewer des gens si on n'écoute pas. Bref, c'est représentatif un peu de tout ce que tu as fait. On a dû... Alors tu m'arrêtes, hein, j'ai essayé, je fais une analyse, tu vois. Genre, moi, j'analyse, tu vois. On a des musiques qui représentent le monde rural, hein, caractérisé par ses personnages, ses expressions, ses modes de vie, ses kékés, ses jackies, ses... voilà, donc dans la veine de ce que tu as fait, hein, avec Marly Gaumont précédemment, avec Petit Patelin, Son de la campagne dans ta gueule, ça part de la Quimbrousse, sans l'accent québécois, évidemment. Est-ce que tu peux me faire un E levé France, un E vrai France avec l'accent de chez toi? Bien sûr. Vas-y. Pas de transport en commun, le vrai France. Il a du temps à un médecin, le vrai France. C'est le désert médical, pas d'hôpital, à moins de 100 miles, c'est encore si t'as de la chance. Fermeture de l'usine, le vrai France. Fermeture de l'école, le vrai France. Fermeture de la ferme avec fermeté, ta gueule, tu la fermes avec urgence. En fait, le vrai France, c'est juste ce qui se passe depuis des décennies dans les petits villages partout en France. Et souvent, dans les commentaires en dessous du clip de le vrai France, c'est marqué « Oui, Camini, il a anticipé la crise des Gilets jaunes. Il a anticipé la crise des Gilets jaunes. » Alors qu'en fait, non, pas du tout. Moi, j'écris juste depuis des années sur ce qui se passe, les revendications du peuple qui vit à la campagne, et pas que à la campagne, mais en l'occurrence, là, on se concentre sur ceux qui vivent dans le monde rural. Ce sont des revendications que je mets en avant dans mes chansons depuis des années. Et effectivement, tôt ou tard, quand tu écris sur l'être humain et sur ce qui se passe dans ta société, eh ben, ça finit par croiser l'actualité ou l'histoire. Alors c'est marrant, hein, cette espèce de récupération un peu dans les commentaires, les combattants du clavier, tu vois, genre, ouais, c'est les gilets jaunes, c'est machin. Non, mais, oh, Tranquille, tranquille, on se calme. On se calme, ça doit être pas évident quand même à gérer ce type de réseau un peu. Moi, j'ai toujours pris beaucoup de distance avec les réseaux sociaux. Je me dis juste que, dès le départ, on ne peut pas plaire à tout le monde. Avec ou sans Internet, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, vu que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut s'attendre aux haters, aux commentaires désagréables, à la récupération, à tout ce qui fait partie des réseaux sociaux. Pour moi, ça fait partie du jeu. Il faut juste éviter de tomber dans les pièges, de répondre, et aussi parfois et c'est un peu ce qui piège beaucoup d'artistes aujourd'hui, de vouloir prendre parfois la parole sur des sujets, sachant que tes propos vont être déviés, coupés, remontés, remodelés, mal interprétés des fois, même si la phrase elle est en entier. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est notre ère, c'est notre époque, il faut faire avec. Une époque avec une responsabilité quand on est une personnalité publique. Et sachant que toi, tu traites de sujets divers et variés. Donc, je disais, le monde rural, l'homme et les rapports humains entre frustration, bêtise, hypocrisie, comment l'homme peut être méchant, l'impact négatif sur la planète. Alors, je te cite des titres que moi, j'aime beaucoup, que tu as fait. Donc, on a frustration parce qu'on est con en ce moment même. Oui. Très, très beau titre. OVNI, on est dans la peau d'un OVNI. Et bordel de merde, j'ai pas envie de me poser sur ta foutue planète. Ouais. À chier. Le déni, très beau titre aussi. T'as vraiment écouté tous mes trois albums là. Alors je vais te dire un petit secret que personne ne connaît dans les tréfonds de mon âme. En 2010, j'étais en emploi saisonnier et je me faisais chier. Désolé papa, si tu m'écoutes, je sais que c'était pour moi et j'ai touché de l'argent. Mais je me faisais chier totalement. Et en fait, je savais que ton album Extraterrien, je savais exactement la durée de l'album, et je savais que si je le jouais un certain nombre de fois dans l'après-midi, j'avais mon après-midi qui passait parce que j'étais derrière un PC, j'avais rien à faire. Donc j'écoutais, tu vois le truc, j'écoutais Extraterrien en fait tout le long, et ça devait durer, je sais pas, peut-être 3 ou 4 fois, je sais plus. Mais donc du coup, je savais qu'à à la dernière musique de la dernière répétition, et je devais partir. Donc Extraterrien est mon album préféré pour ça. Voilà. Écoute. Dans les thématiques également, on retrouve la critique du business et du rap de quartier. Ça, c'est showbiz, un petit coup de motherfuck. Tu as déjà eu des gens qui sont venus te voir un peu agressif, un peu en mode comme dans ton titre, la bagarre, vas-y, on va se fight. Bagarre. Ouais, bagarre. Tu as déjà eu des gens qui t'ont... Non, il y a toujours des gens qui cherchent la bagarre. La bagarre. Ouais, c'est un peu les gens qui m'abordent dans la rue, alors de tous les milieux, mais souvent, il y a un ton agressif. Toi, ouais, t'es Camini. Voilà, ouais, t'es comme une, toi. Et quand c'est comme ça, moi, je leur réponds, ouais, c'est moi, ça va, mec. Je réponds avec une voix très douce, très polie. Et souvent, les gens, après, ils sont contents. Après, ils disent, ouais, t'es un bon gars, je pensais pas que t'étais comme ça. Et en fait, c'est juste que, voilà, il faut parfois réussir à ne pas se laisser piquer par l'agressivité d'autrui ou par la violence d'autrui pour éviter le combat, éviter ce qu'on appelle la montée en escalade jusqu'à la rixe, quoi. C'est comme ça qu'on peut désamorcer ce qu'on appelle les batailles de regard. Des fois, il y a un mec qui te regarde dans la rue, tu vois, il cherche ton regard pour provoquer la bagarre sur un simple regard. Et ben déjà, la meilleure stratégie, c'est de ne pas le regarder. Et puis, par contre, s'il vient t'aborder et tout, faut utiliser une toute petite voix bien douce et lui faire comprendre que c'est lui le plus fort, entre guillemets. Et puis souvent, il n'y a pas de bagarre après. Mais ça, après, malheureusement, ce n'est pas une science exacte. Alors, c'est une technique en plus en négociation commerciale, en négociation de crise, le fait d'adopter. Tu vois, si genre, par exemple, tu es énervé et que moi, je te dis, je comprends ce que tu es en train de me dire. Et là, ça calme les gens, sauf s'ils sont vraiment exactement vénères. Oui, après, tu as toujours... Voilà, ce n'est pas une science exacte, comme on dit. Mais c'est vrai que la meilleure stratégie pour désamorcer l'agressivité, c'est la douceur. Il n'y a pas mieux, en tout cas. Et la douceur, c'est quelque chose que l'on retrouve dans certains de tes morceaux, mais ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on va au fin fond du sujet, quand tu nous gratifies de ta plus belle plume pour nous présenter ton univers. Et c'est un peu le cas aussi de Sacedin, qui est une sorte, dans la même veine que Marly Gaumont, que Le Vrai France, mais quelque chose de fait différemment, avec une instrumentale que j'ai trouvée très trap. D'ailleurs, tu le dis, trap de campagne. Ouais. C'est vraiment très trap. Il y a une évolution dans la musique, dans les beats, le beatmaking derrière. Il y a une vraie évolution, je trouve. En fait, c'est que Sacedin, c'était aussi une façon de renouer, de revenir justement, d'assumer un retour musical pour l'album. Et je voulais revenir avec un titre rural comme Sakunda, parce que Sakunda, ça veut dire justement tout envoyer, quoi. Faut foncer, faut se battre, il faut pas lâcher, il faut tirer dans le tas, saquer dans le tas. Ça veut dire il faut tout déchirer et sans se plaindre. En fait, c'est ça que ça veut dire. Sans se plaindre, sans pleurer sur son sort. Et donc, Sakunda, c'est ça que ça veut dire. Et c'est aussi un peu Marly Gaumont 2.0. Ça veut dire aussi à la nouvelle génération, voilà, sachez les petits jeunes là, des années 2000, il y a un rappeur de la campagne qui est vraiment bon, qui a son style, et c'est le maître du rap rural, et c'est moi, mon gars. Et Sakunda, c'est ça que ça veut dire. C'est pour imposer le style Kamini, mais surtout imposer le rap rural dans le paysage de la musique. Pas dans le paysage du rap, parce que je m'en fous d'être dans le rap et tout. Je cherche pas forcément à rentrer dans les codes du système du rap, mais en tout cas que dire dans la musique, il existe le rap rural. C'est aussi ça que je voulais faire avec ce morceau. Et on va tout envoyer, chers auditeurs, sur Fadjet 94.2 FM à Nancy, Fadjet.net, avec Sakedin, issu du troisième album de Kamini. Sur Fadjet, tout de suite, Sakedin. Je suis complètement perché, y'a plus rien à comprendre, il faut même pas chercher. Tous les jours au boulot, pour certains à se faire chier, on perd le ciboulot, bosser pour des louets. Tu rêves de faire autre chose, tu rêves d'aller autre part. Tu fais la part des choses, du coup tu vas nulle part. Tu dis que c'est pas possible parce qu'il y a les enfants. Tu en veux avant de faire, s'il te plaît vraiment. Tu attends qu'elle te quitte sans savoir qu'elle aussi. Tout ce qu'elle aimait chez toi devient source de soucis. Arrête de brer gamin, que la couille s'accagne. Arrête de brer gamin, que la couille s'accagne. Sors de Josh. Arrête de brer gamin, que la couille s'accagne. Arrête de brer gamin, gueule un coup et sacanda. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. On traînait pas dans la street ni en bas des tours. On traînait dans les champs si à taureau du cours. Mais allez, hautes herbes, des gamins qui fourrent. Le choc malaquin qui enfourche le chaud du four. Un seul bus le matin pour aller en cours. Tu le rates sans mobile en vélo ou à pied aux bourses. Même si ça caille, qu'est-ce qu'il croit, l'autre il fait ça chic court. Par ici, pas ni de 4 ni de 72. Monde rural, pas connu pour le flouze. Le carnaval, connu pour la binose. Mais à la ferme, un seul homme fait le boulot de 12. Le temps s'écoule, pas le temps de se la couler douce. Marre de ceux qui jalousent, marre des esprits farouches. Marre de ceux qui tentent de t'écraser, passe le feu rouge. Comme dit mamie qui a connu la carrière pincée. Arrête de brer tant que t'as le santé de net dans ta tête. Arrête de brer gamin, que la couille s'accenda. Arrête de brer gamin, que la couille s'accenda. Arrête de brer gamin, que la couille s'accenda. Arrête de brer gamin, que la couille s'accenda. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. Qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. Flow qui vient pas de la zone, flow qui vient pas de la zone. Ça vient de la campagne et de la flore, ça vient de la campagne et de la flore. Sakedin, issu du troisième album de Kamini, troisième acte, donc tu nous disais, ça signifie tout envoyer, c'est du patois de chez toi? Bah c'est un mélange de ch'ti, de picard, c'est une expression que j'entendais beaucoup quand j'étais jeune, qui a un peu disparu avec le temps, mais ça fait partie de mes références, des expressions que j'ai beaucoup entendues quand j'étais enfant, et ça m'a paru naturel de l'utiliser dans cette chanson-là, surtout qu'en plus, je l'ai utilisé aussi dans mon film, dans le film Bienvenue de Marly Gaumont. Mmh. Et donc, je me suis dit, voilà, on va mettre le Sakunda en musique pour vraiment Sakunda à la rentrée, revenir en force. Et ça se passe plutôt bien parce que avant les deux clips que j'ai mis sur mon compte Vevo sur YouTube, on était quoi, à 80 000 abonnés. Et grâce à Sakunda et le morceau Si, on est passé à 118 000 abonnés. Sur mon compte Vevo, donc les gens de Nancy et les gens de Nancy, mais aussi des villages aux alentours, hein, c'est-à-dire Maxéville, Malzéville, Marville, Et ben, tous les... Attends, je me trompe pas, c'est des noms de villages, ça. Hein. Alors, Maxéville, c'est pas vraiment un village, mais c'est des noms de villes autour de Nancy, oui, effectivement. Ah, bah alors, du coup, on va recommencer. Alors, les gens d'Indicourt, Séchamps, c'est déjà un peu. Voilà, on Champigneul, Sierville, Lenoncourt, et même les gens de Nancy et tous les gens des patelins autour, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Vévo, quoi. Hein, voilà. Hein. Alors, si tu veux des noms de vrais patelins, hein, on est en Lorraine, on est dans le Grand Est, on a toute une série de communes en Moselle qui finissent par Ange. Donc, on a Agondange, Ucange, par exemple. Okay. C'est du coin, hein, voilà. C'est les Marly-Gaumont de chez nous, tu vois. Ouais, bah, on a tous un Marly-Gaumont à côté de chez soi, ça c'est sûr. Ça. Alors, justement, je voulais me faire un petit exercice, on se détend un peu avant de continuer l'interview. Donc, moi, j'anime une émission qui s'intitule « En passant par la Lorraine, je suis fan de ma culture locale ». Et dans cette émission, c'est très important, et dans cette émission, on traite d'histoire, de légendes en Lorraine, mais également de patois, car le Lorrain a un argot également. Alors, j'ai envie de te faire un petit jeu avec de l'argot lorrain, que tu me dises à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu es chaud, Camini, le roi de l'argot de chez toi ? Est-ce que je suis chaud ? Est-ce que tu es chaud ? Ah, est-ce que je suis chaud ? Ouais. Bien sûr. Alors, si je te dis beignet. Beignet, tu peux pas me faire une phrase avec le mot beignet pour m'aider ? Genre, oui, c'est une bonne idée, ça. J'ai beignet ma voiture. Ah, j'ai beignet ma voiture, waouh. Je l'ai lavé, non ? Non, je l'ai abîmé. Beignet, en lorrain, ça veut dire. J'ai hésité. Je l'ai beignet, c'est ça. Okay. Tu es une poucave. Ah, ça fait une balance. Une balance. Ça vient de chez nous, hein. Argot lorrain. Ah, ça vient. C'est lorrain, ça, poucave. C'est lorrain. C'est de l'argot lorrain. Tu es une poucave. Et ouais. Un autre. Je me suis fait prendre par les Condés parce que j'ai chouravé quelque chose au magasin. Ah, ça, c'est quand t'as volé, chourave. C'est chez vous aussi, chourave. C'est chez nous, chourave, c'est du lorrain. Ah, donc, en fait, dès qu'il y a un mot d'argot qui finit en ave, c'est chez vous. Poucave, il y a moyen. Chourave. Ouais, je pense que ça doit être ça. Saguette, bon, ça, c'est super connu. Saguette. Saguette. Ah, ça va, ça veut dire ça va, ça. Ça va. Saguette Small. Ouais. Les amis de ta femme qui ont écrit une chanson qui s'appelait Saguette Small. Et enfin, alors voilà, c'est la bagarre. Et je vais donner un coup de schloss. Un coup de schloss, un coup de couteau, malheureusement. Un coup de couteau, malheureusement, oui. Voilà. Malheureusement. On ne donne pas de coup de couteau, même si ce sont tes ennemis. On si reste... vraiment le mec qui nous a vraiment énervé, mettez un coup de couteau dans les fesses. C'est pas très, très énervé, il n'y a pas de gros vaisseau sanguin. Là, ça ne craint rien. Au-delà, ailleurs, c'est chaud. Alors, mon cher Camini, je te propose qu'on fasse écouter à mes auditeurs le titre qui s'appelle « Si », qui a été clippé. C'est ton dernier clip. De quoi ça parle, « Si » ? Bah si, ça parle un peu du monde actuel, de tout le monde qui prend la parole, tout le monde qui s'énerve, tout le monde qui victimise. On n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de faire des blagues, on n'a plus le droit. Donc voilà, on parle un peu de ce qui se passe, de la mouvance là. Alors il y a un moment, je dis si tu parles trop, censure. Mais des fois même aujourd'hui, la censure, c'est qu'on laisse parler les gens et on décrédibilise leurs propos. C'est aussi une forme de censure. Et donc, c'est un peu, voilà, le tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, le problème du monde d'aujourd'hui, c'est qu'on ne place pas les curseurs aux bons endroits. Soit on est dans l'exagération, la survictimisation, ou soit on n'en fait pas assez. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut réussir à faire chez les êtres humains, je dirais. Hein, c'est de réussir à placer les curseurs aux bons endroits. Et le morceau aussi, il dénonce justement le fait que les curseurs soient toujours... soit trop d'un côté, soit trop de l'autre. Et aussi, je parle aussi de l'inversion des polarités. Ce qui était bon aujourd'hui est devenu mauvais aujourd'hui. Ce qui était mauvais à l'époque est devenu bon aujourd'hui. Ce qui fait que, voilà, par exemple, il y a un moment, je dis dans la chanson, à l'époque, quand on était au collège, nous, quand il y avait une bagarre, tout le monde se mettait en arc de cercle. Oui. Et il n'y avait que deux personnes qui se battaient et tout le monde était là autour, quoi. Et c'était un contre un, quoi. Oui. Aujourd'hui, les mecs, ils viennent à 18, l'autre est tout seul. Et quand ils repartent à 18, se vanter chez eux, ils n'ont même pas de sensation de lâcheté ni de honte de se dire on était à 18 sur un gars. Et bien, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une inversion des valeurs, une inversion des codes moraux. Et c'est inquiétant. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que le monde me fait peur. Je suis assez pessimiste quant à l'avenir. Mais il faut être pessimiste, mais avec le sourire. Avec pessimisme. Alors là, à la radio, à la radio, vous ne voyez pas mon sourire, mais vous pouvez le sentir. Oui, c'est vrai. Et moi, ça se sent bien. C'est un très beau sourire. J'ai des frissons. oui, c'est vrai que tu le dis aussi dans ta chanson « Je m'en bats les couilles ». Tu dis « À 5 contre 1, c'est que tu n'as pas de couilles ». Bah oui. Tu dénonces c'est ça, et de l'autre côté. Mais le truc le plus triste, c'est que souvent, quand les gens font des actes de lâcheté, aujourd'hui, c'est par certaines personnes. Parfois, c'est vu comme du courage, quoi. Les gars, moi, j'ai déjà vu, j'ai des gars comme ça dans ma famille, des gars, là, ouais, on l'a tabassé et tout, là, on était 4. Le gars, il n'a rien pu faire. J'ai dit, mais vous étiez 4, les gars, pourquoi vous êtes fiers? Pourquoi t'es fier? J'ai un cousin comme ça. J'ai dit, pourquoi t'es fier? Vous étiez 4, les gars. Il n'y a pas de fierté. Et c'est ça qui est vraiment, aujourd'hui, c'est ça. On est dans une inversion des polarités, mais il faut accepter de vivre avec son temps. Mais c'est toujours une question de curseur, quoi. Placer les curseurs aux bons endroits. Et qu'est-ce de quoi je parle encore dans la chanson si. Oui, dès que quelqu'un qui réussit bien dans le sport, dans le sport, dans la chanson ou dans quoi que ce soit, peu importe, dès que tu as réussi, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ouais, mais si tu as réussi, c'est parce que ceci, c'est parce que tu suces, c'est parce que machin. » Alors que non, c'est aussi parce que les gens, ils bossent, des fois. Les gens, ils travaillent, entre autres. Donc, c'est ça aussi. Donc, voilà, c'est pour un peu remettre les pendules à l'heure et dire ce que je pense un peu de la société actuelle. Et puis, quand toujours l'inversion des polarités. Dans la chanson, il regarde sous sa jupe et ce serait elle la pute, ouais, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que des gars, dès qu'une nana elle est un peu sexy, machin, les gars ils pètent des câbles, mais calme-toi, elle s'habille comme elle veut. Hein. Si ça procure en toi trop de frustration, regarde pas, tu vois. Tu regardes pas, c'est simple. Il faut pas inverser les rôles. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inversion des polarités, l'inversion des coupables. C'est toi le coupable alors que c'est l'autre. Enfin, c'est aujourd'hui, on vit dans le monde à l'envers. C'est un peu ça. Eh ben, on va essayer de remettre les pendules à l'heure sur Fadjet à Nancy, chers auditeurs. 94.2 FM à Nancy dans les alentours et sur Fadjet.net avec le titre Si, issu du dernier album de Camini, troisième acte. Il y a d'ailleurs un clip sur YouTube que vous pouvez aller consulter. On se retrouve juste après, chers auditeurs. Camini, 5962-0280, Les Hauts-de-France. Le Picardie, ils l'ont pas de calé, le coin quoi, les patelins et tout, oh. Comprends rien, lui. Rap de has-been, la gueule de Mr. Bean. Je suis noir ébène et je cause comme Danny Boone. Le beat est bon, le flow est clean. Je marche sur la lune, I'm the man, I'm the faux-faune. Attention à la marche, à la scoumoune. On est toujours là, on en a sous le coude. Kéké les jackies, ça vient de le vrai français, du pur underground. On est dans la merde, c'est de la faute à qui? Aujourd'hui, la fin du monde qui nous taquine. Ennemi invisible, rien n'est acquis. Du PQ, mais pas d'iPhone dans les caddies. Le prisonnier de ses propres vices. Un père de famille abattu par son fils. Un père de famille qui suicide face au fils. Si t'es pas content, suck my disque. Années 80, ça vient des prévers. Durs sont les hivers. Chômage, raciste, touche pas mon pote. Club d'optique, Grégory en fait divers. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. À part qu'il fait plus chaud l'hiver. Chômage raciste touche pas mon poste. La petite Mélisse en fait divers. Si tu parles trop, censure. Si tu dis rien, t'es une pute. Si on voit trop, t'abuses. Si tu réussis, c'est que tu suces. Évitez de faire la une. Fantomas fait la thune. Il regarde sous sa jupe. Et ce serait elle la pute. Si tu parles trop, censure. Si tu dis rien, t'es une pute. Si on voit trop, t'abuses. Si tu réussis, c'est que tu suces. Évitez de faire la une. Fantomas fait la thune. Il regarde sous sa jupe. Et ce serait elle la pute. Trappe rurale, trappe agricole, trappe de campagne, trappe de vache folle. J'ai connu des profs qui mettent des claques à l'école. Claire, on dort mes deux si t'as des notes de guignol. Maintenant c'est les petits qui mettent des claques aux profs. Ils portent plein de petits, confisquent son iPhone. Le gamin il débarque en cours de biologie, défoncé mais pas à la colle. J'ai connu l'époque où une cassette de film porno tournait dans toute la classe. Rien à voir avec l'agression de la gote ta promo. Tout lycée fait tourner sur Snap. J'ai connu l'époque où se formait un cercle au centre à contact pour se battre. Et si tu me clashes aujourd'hui, bah viens au mic, découvre un météor de Pégase. Mais aujourd'hui ça a changé. En plus il fait plus chaud l'hiver. Chômage raciste touche pas mon poste. Bagarre de rue en fait d'hiver. Si tu parles trop, censure. Si tu dis rien, t'es une pute. Si on voit trop, t'abuses. Si tu réussis, c'est que tu suces. Évitez de faire la une. Fantomas fait la thune. Il regarde sous sa jupe. Et ce serait elle la pute. Si tu parles trop, censure. Si tu dis rien, t'es une pute. Si on voit trop, t'abuses. Si tu réussis, c'est que tu suces. Évitez de faire la une. Fantomas fait la thune. Il regarde sous sa jupe. Et ce serait elle la pute. venez d'écouter le titre 6 issu de l'album 3e acte de Kamini. On est toujours avec Kamini, un petit top flop, c'est un jeu que j'aime bien, c'est le jeu des influences. Je vais te citer moi des rappeurs que je connais ou que j'estime que sur lesquels tu pourrais t'être influencé. Tu vas me dire top, c'est mon influence, je kiffe. Ou tu vas me dire mais Pierre, t'as rien compris, mais qu'est-ce que tu me racontes, mais n'importe quoi. C'est un gros flop et dans ce cas-là, j'arrête tout de suite de faire la radio, chers auditeurs, et je disparais. Influence, est-ce que tu... Alors, MC Solar. Ah, top. Ah. Bah voilà. C'est bien. Donc j'ai bloqué ou pas? Oui, c'est bon. Bah non, c'est que tu me dis top, donc du coup, moi j'ai besoin d'avoir des tops, tu vois. Mais tu peux... Qu'est-ce qui t'inspire dans MC Solar, la plume? Ah non, MC Solar, mais j'ai grandi avec. Je fais partie de... Moi j'ai 40 ans, je pense qu'on a à peu près le même âge. Enfin non, il doit être un peu plus vieux, MC Solar. Mais ouais, j'ai grandi avec lui, Bouge de là, Caroline... Non, j'ai grandi avec tous ces tubes. Puis moi, comme j'étais le seul black dans mon école, dans mon lycée, tout ça, ben voilà, dès que je voyais des Renois qui réussissaient à la télé, ben j'étais. Mais tu te dis, ouais. J'étais, voilà, je m'identifiais, quoi. J'étais à fond, quoi. J'étais à fond derrière eux. Voilà, je soutenais de ouf, quoi. Et donc, MC Solar, moi, il fait partie des artistes avec lesquels j'ai grandi, bien sûr. Ok, génial. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un album d'MC Solar qui s'intitule, là, je suis en train de le regarder vite fait, Chapitre 7, tiens. Un album qui s'intitule Chapitre 7. Ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu que ton album s'appelait Troisième Acte. Troisième Acte, ouais. Yes. Troisième Acte. Et lui, à mon avis, s'il a dit Chapitre 7, c'est qu'il est déjà son 7e album. Ouais. Moi, je suis qu'au 3e. Hein. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Deuxième top flop, Eminem. Ah, top. Mais c'est le maître. Le flow, il fait partie des maîtres. Ouais, non, lui, il fait partie des gens qui m'ont convaincu que je devais faire ce métier, quoi. Mm-hmm. Ben, je me suis dit, ouais, faut que j'y aille, quoi. C'est ce que j'ai envie de faire, quoi. J'ai envie de chanter, de faire de la télé, de faire du cinéma. Lui, voilà, c'est un. Et son parcours, voilà, là d'où il vient, quand on voit son film, là d'où il vient et les échelons qu'il a su grimper. Eminem, c'est un peu un Kamini, hein. C'était le seul blanc dans le milieu dans lequel il voulait évoluer. Et donc, il devait impérativement transcender son pouvoir pour dire non, les gars, on s'en fout de la couleur de peau. Je suis un bon MC, je suis même meilleur que vous. Et effectivement, il était meilleur que beaucoup de rappeurs, même si à la base, le rap est issu de la communauté noire aux États-Unis. Mais il fait partie vraiment de l'élite, quoi, Eminem, quoi. Donc, comme quoi, comme je dis souvent par rapport au chevalier du Zodiac, l'armure ne fait pas le chevalier. Et bien là, on peut dire que la couleur de peau ne fait pas le rappeur. Eminem, il est dans le top 3, hein, c'est sûr. Alors, c'est intéressant. Donc, tu parles d'un blanc dans un univers de noir, donc du côté d'Eminem. Et toi, tu es un noir dans un univers de blanc de la campagne rurale. Ouais. Y a une thématique de l'altérité qui se retrouve dans tes albums et dans tes morceaux. L'altérité, qu'elle soit par le fou, entre guillemets, en psychiatrie, qu'elle soit par le rappeur rural au milieu d'un univers rural, blanc, de droite, on va dire. Entre guillemets, l'ovni qui se demande mais qu'est-ce qu'il fout sur cette terre, putain. J'ai le sentiment que tu traites beaucoup de l'altérité, de la différence, et t'essaies de la mettre en avant dans les thématiques que tu traites. Bah, en fait, c'est que elle est traitée, l'altérité, parce que vu que je parle dans mes textes, moi, ce que j'écris, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est la psychologie humaine, ce qui se passe dans la tête des êtres humains. Et par conséquent, comme je disais tout à l'heure, quand tu écris sur la psychologie humaine, tes écritures, elles croisent forcément l'histoire, les faits divers ou l'actualité. Mmh. Et dans ce qui est intéressant dans l'altérité, c'est que j'aime beaucoup l'histoire de l'étranger qui arrive quelque part, parce que c'est une histoire universelle. Et grâce au film, dans la ville. Voilà, grâce au film Bienvenue à Marly Gaumont, par exemple, quand je vois que je reçois des messages, parce que le film est sur Netflix, des messages qui viennent d'Argentine, du Brésil, du Japon, du Canada, de partout, où des gens me disent bah moi c'est pareil, j'étais le seul chinois dans mon école, moi c'est pareil, je suis brésilien mais je suis du Brésil de tel côté et du coup j'ai tel accent, et quand je suis arrivé dans tel village ou dans telle école, on se foutait de ma gueule. Et ben du coup, en fait, tu te rends compte que cette histoire là elle est universelle et elle touche tout le monde. Et c'est pour ça que moi j'écris vraiment sur la psychologie humaine, sur ce qui se passe dans la tête de l'homme, pour que mes textes durent dans le temps. Et donc tu prends une chanson comme Je suis blanc, une chanson qui remonte en 2006, où je suis grimé en blanc. D'ailleurs, ça ferait un scandale aujourd'hui. Mais dans Je suis blanc, et bien au final, quand tu regardes le texte, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, Black Lives Matter, c'est tout, on voit que le texte est encore valable aujourd'hui. Quand on prend une chanson comme Parce qu'on est con, ou par de la bêtise humaine, malheureusement, dans un siècle, il sera encore valable. Quand on prend All Vrai France, forcément, les gens ils disent c'est comme les revendications des gilets jaunes. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que quand je veux que mes textes ils durent dans le temps. Alors après, je ne fais pas que ça. J'ai quand même écrit une chanson qui s'appelle Faisons Kékette, Car You Like It. Donc, je ne vais pas jouer les Baudelaire H24. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, j'essaye d'écrire sur ce qui se passe dans la tête de l'homme. Et je trouve que ça, c'est, ça perdure dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant. C'est voilà, c'est de la psychologie humaine à un certain degré d'engagement. Effectivement, faisons kékette, c'est assez drôle. Il y a aussi comment ça s'appelle, panneau dancing, voilà. Il y a pas de dance, il y a pas d'attribut du sujet. Juste, c'est n'importe. ça m'a fait rire. C'est n'importe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, puis, panneau dance. Ouais. C'est juste que je parle des challenges sur Internet. En fait, du coup, je parle des challenges, je fais un mélange entre les challenges et parfois les textes de certaines chansons qui ne veulent rien dire. Et donc je me suis dit, moi je vais faire un challenge, où le challenge, bah, ce sera juste de danser dans son village là. Et par contre, la chanson, en plus, le texte dans la chanson, je dis n'importe quoi. Et je voulais faire une chanson où je dis n'importe quoi, parce que des fois, t'allumes la radio, t'écoutes les textes des gars, des fois, c'est des tubes et tout. Hein. Tu dis, mais le mec, il dit n'importe quoi, là, quand même. Et donc, je me suis dit, eh ben, moi, je vais mélanger les deux. Je vais faire et le challenge, et en disant n'importe quoi dans la chanson. Et c'est vrai que j'ai pas mal de retours sur Internet, des gens qui sont prêts, qui disent, bon, alors, quand est-ce que ça commence? Je me dis, calmez-vous, le challenge, pour l'instant, on est en confinement, parce que le clip du panneau dance est déjà tourné. Les gens qui ont participé dedans me disent, ouais, quand est-ce que tu le sors et tout. Je dis, on se calme. Il y a confinement, les gens peuvent pas se déplacer comme ils veulent. Si je veux lancer un challenge comme ça, il faut que les gens puissent être libres de leur mouvement. Et donc, j'attends, à mon avis, mai-juin, pour lancer le challenge du Palo Dance. Palo Dance, un clip à venir, un truc nimp. Et puis, au milieu de ces engagements, de cette altérité, de ces univers, il y a Là-haut, peut-être le titre le plus intimiste que tu as fait sur ces trois albums, qui parle de ton père et du deuil que tu vis, du manque de ton père. Moi, alors, je suis guitariste, hein, c'est pas très radiophonique, mais j'ai ma guitare derrière moi, c'est pour faire de la déco. Je suis guitariste et j'ai beaucoup aimé, au-delà du texte et du message, j'ai beaucoup aimé le son derrière. Ça change totalement avec tous tes autres titres, cette guitare sèche. Il est très pop. Très, très pop. D'ailleurs, j'ai retrouvé les accords et je me suis amusé à jouer par-dessus toi. Magnifique. Je t'en prie. C'est très intimiste. Super, vraiment. Ah bah écoute, il fallait que je rends hommage à mon père avec le film, et je voulais tout simplement le faire aussi en chanson. En tout cas, dès que mon beatmaker m'a présenté cette mélodie là, cette chanson là, l'instru, et ben j'ai chanté naturellement le refrain. Mm-hmm. Et le refrain, je trouve qu'il a un côté assez années 80 dans sa composition, dans la façon dont c'est chanté. Et donc je m'y retrouvais vraiment. Et puis j'ai vu que lui aussi, mon beatmaker Tim Gunn, son père est décédé aussi il y a quelques années. Et donc, même quand il était petit, je crois. Et donc ça l'a beaucoup touché. On était très émus. Et à chaque fois que je la chante, quand on bosse, on est tous les deux émus. Et j'ai hâte de tourner le clip pour cette fois dire enfin adieu à mon père et le laisser tranquille là-haut, parce qu'il mérite un repos bien mérité. Eh ben on va le passer sur les ondes de Fadjet avec toi, Camini, avant de se dire. Justement, je voulais dire merci à Radio Fadjet, parce que moi je suis un artiste de la proximité, et me sentir soutenu comme ça par des radios de province, qui existent depuis longtemps, qui ont plus leur 35 ans, voilà, qui ont plus besoin de faire leurs preuves. Vous êtes des entités. Vous êtes là, vous soutenez vos régions, vous soutenez les entrepreneurs de votre région, tout ça. Et voilà, moi qui suis un artiste de la proximité, qui suis un artiste de province, être joué par les radios de province, c'est un truc qui me touche beaucoup. Et c'est vraiment mon objectif. Et donc, merci à Radio Fladjet, merci à Nancy, et merci à tous les villages autour, hein, Domadébons, Séchamps, la Neuvelotte, salut la Neuvelotte, comment ça va? On dirait, la Neuvelotte, c'est quoi là? C'est une brouette ou quoi, tirée par des chevaux? Ah non, foi. Prenez le roi dans la Neuvelotte. En tout cas, voilà, dédicace à tous les bleds du coin. À tous les bleds du coin. Là-haut de Camini, hommage à son père. Et puis après, on se dira au revoir sur Fadjet 94.2 FM à Nancy, Fadjet.net. Mal aujourd'hui. que tu reviennes m'engueuler. Je sais pas si c'est le destin ou Dieu, mais peu importe, j'ai mal qu'il t'ait repris auprès de là-haut. Papa, si tu m'entends, papa, si tu me vois, sache qu'il n'y a pas un jour, pas une seconde sans que je ne pense à toi. On s'est dit je t'aime si tard, tu es parti si tôt. J'espère que t'entends mes mots. Ici pas rien ne change, l'homme est toujours fou. Deux tiers du monde a faim, l'autre tiers qui s'en fout. Comme tu le disais quand t'écoutais la radio, c'est con mais parfois je gratte tes cas, le générique des infos. Toutes ces choses anodines me rappellent ton absence. Les goûts, les couleurs, les bruits, même les silences. Papa, si tu m'entends, papa, si tu me vois, sache qu'il n'y a pas un jour, pas une seconde sans que je ne pense à toi. On s'est dit je t'aime si tard, tu es parti si tôt. J'espère que t'entends mes mots. Papa, si tu m'entends, papa, si tu me vois, sache qu'il n'y a pas un jour, pas une seconde sans que je ne pense à toi. On s'est dit je t'aime si tard, tu es parti si tôt. J'espère que t'entends mes mots. Tu me racontais souvent ton enfance, petit orphelin misérable en souffrance. Toi qui n'as jamais connu tes parents, c'est à mon tour de ressentir une partie de ton néant. Quand je vais dans ta chambre, je vois tes affaires, tes affaires, tes vêtements, tes livres, ton diplôme dont t'étais si fier, si fier. Je ressens ta présence tout autour de moi. C'est paradoxal, toi qui ne croyais pas à toutes ces choses-là. Papa, si tu m'entends, papa, si tu me vois, sache qu'il n'y a pas un jour, pas une seconde sans que je ne pense à toi. On s'est dit je t'aime si tard, tu es parti si tôt. J'espère que t'entends mes mots. Là-haut. D'écouter là-haut sur Fadjet 94.2 FM à Nancy, Fadjet.net. On était avec Camini, on se laissera en musique. Je voulais juste faire un petit point futur. Alors, tu parles du clip de Pano Dance, tu parles du clip de là-haut, donc c'est des choses à venir sur YouTube. Alors, on est dans une situation merdique pour les intermittents du spectacle et les musiciens. Est-ce qu'on peut quand même espérer te voir en concert à un moment? Alors, en concert, moi, dès que tout cela se termine, il y aura toutes mes dates de concert sur mon Instagram, Camini Levray. Sur mon Facebook, Camini Officiel, toutes les dates seront affichées. On attend juste la reprise. Hein. Moi, j'envoie un gros big up à tous mes collègues parce que je suis un ancien infirmier. Bon, j'exerce plus depuis le buzz de Marley Gaumont, depuis 2008. Mais en tout cas, une grosse dédicace aux infirmiers qui sont sur le front. Et voilà, et moi, j'essaye de pas trop râler, de pas trop me plaindre parce que voilà, en tant qu'ancien infirmier, je me dois de soutenir les collègues. Et donc voilà, portez votre masque, faites les gestes barrières, n'hésitez pas à traiter le gouvernement quand vous êtes chez vous, hein, mais ne publiez pas le passage où vous les traitez sur Internet, ça n'a aucun intérêt. Traitez-les à la maison, soyez vénères, mais respectez les règles de sécurité sanitaire. Et puis il faut être patient, quoi. Il faut se dire que nos anciens, ils ont connu une guerre bien plus sanglante, bien plus violente. Que la nôtre. Et donc nous, la nouvelle génération, il faut qu'on soit patient et courageux. C'est chiant, je sais, mais en tout cas, il faut essayer. Et c'est le message d'une personne engagée et d'un ancien infirmier, donc vous pouvez à mon avis faire confiance à ce qu'il vient de vous dire. Merci à toi Camini de t'être prêté à cette interview pour Fadjet, un grand honneur pour moi puisque tu l'as compris, je suis un méga fan. L'honneur est pour moi, merci Nancy, franchement merci à toute la radio, à tout le monde, quoi. Un grand merci. Et ben de rien. Et oui, un dernier truc. Pour ceux qui veulent se commander l'album physique. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est sur capital.fr, capital avec un K, capital.fr, et vous vous laissez guider et vous pouvez commander l'album physique. Sinon, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Amazon, iTunes, et même celles que je ne connais pas parce que je ne suis vraiment pas spécialiste. On m'a dit qu'il y avait un truc qui s'appelait Tinda ou Tinder, je ne sais pas. Et ben même sur Tinder, on est présent. Faites-vous plaisir. Voilà. Merci à toi, Camini. On en passera sur Radio Fadjet dans le cadre de la programmation, puisqu'on est éclectique en termes de musique, puisque Fadjet, c'est plus qu'une radio. Merci pour cet honneur que tu m'as fait, Camini, pour nos auditeurs. Le podcast sera retrouvé, chers auditeurs, sur mon Mixcloud, Pierre Merciol Fadjet, et sur fadjet.net de ce soir. On va faire ça. Ça va être cool. Vous pourrez réécouter jusqu'à plus soif. Merci, Camini. Bon courage pour la suite. Et à bientôt, chers auditeurs. Et on se quitte en musique avec, toujours issu du troisième album de Camini, troisième acte, le titre Tant de questions. J'ai des lettres qui s'assemblent. Je sens que sous mes pieds la terre tremble. Je tourne les lettres dans tous les sens afin de leur donner un sens. Dans un monde qui n'en a pas, mais parfois l'absence de sens a du sens. Car s'il n'y a pas de mauvais sens, on ne peut faire preuve de bon sens. Maintenant là tu sens la puissance. C'est mon cosmos le septième sens. On a tous nos lots de souffrances. On se demande bien à quoi servent nos naissances. On est là que pour un bref instant. On est qu'à passe-temps pour le temps. Alors par conséquent autant c'est mis histoire de tuer le temps. Accepter le monde tel qu'il est avec ses défauts parfait. Parfois il est beau, parfois laid. Un peu comme les gens avec qui t'as baisé. Essayer de devenir quelqu'un. Je préfère être quelqu'un de bien. Essayer de devenir quelqu'un. Tant qu'à faire quelqu'un de bien. Tant de questions sans réponse qu'on ne veut pas se poser. On fait du fric, on boit, on baisse, on sort, on fume des joints. Tant de questions sans réponse qu'on ne veut pas se poser. Pas se poser. Tant de questions sans réponse qu'on ne veut pas se poser. On fait du fric, on boit, on baisse, on sort, on fume des joints. Tant de questions sans réponse qu'on ne veut pas se poser. Pas se poser. Autour de moi tout se déforme. Data de fake news en ma forme. J'aime les gros culs, pas les filiformes. Même si j'en groupe juste pour la forme. Pardon mesdames, je ne suis qu'un homme. Dans le miroir je ne vois qu'un ancien môme. Mon âme est blessée et difforme. Ça soigne pas au mercurochrome. Je ne me noie pas dans les remords. Je rebondis, je suis fait sur ressort. Surtout qu'en passant la tête dehors, on se rend bien compte qu'il y a pire au tirage au sort. Ceux qui ont tout, ceux qui n'ont rien. Ceux qui font tout, ceux qui ne font rien. Ceux qui font tout semblant de rien. Ceux qui veulent tout même ce qui ne vaut rien. Avancer malgré les épreuves. Sortir des tentacules de la pieuvre. Le diable utilise tant de manœuvres. Parmi les êtres humains, il a de la main d'œuvre. Moi j'essaie de devenir quelqu'un. Tant qu'à faire quelqu'un de bien. Moi j'essaie de devenir quelqu'un. Tant qu'à faire quelqu'un de bien. Tant de questions sans réponse qu'on ne veut pas se poser. On fait du fric, on boit, on baisse, on sort, on fume des joints. Tant de questions sans réponse qu'on ne veut pas se poser. Pas se poser. Tant de questions sans réponse qu'on ne veut pas se poser. On fait du fric, on boit, on baisse, on sort, on fume des joints. Tant de questions sans réponse qu'on ne veut pas se poser. Pas se poser. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. La vie. Les questions. Sans réponse. Pourquoi? Pourquoi? Et vous l'aurez compris, chers auditeurs, si vous êtes fidèles de ce créneau horaire-là les samedis et les dimanches, eh bien, c'était une interview qui remplaçait l'émission Couleur locale, promotion d'artistes de la région, à retrouver dès la semaine prochaine. Et si vous voulez, vous aussi, passer en interview à Fadjet et présenter votre groupe de musique, je vous invite à écouter le message qui va suivre. Pour participer à cette émission, envoyez vos CD par courrier à Fadjet, 47 rue Charles III, 54000 Nancy, ou en format audio numérique à programmation@fadjet.net.